Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gemozo pour cette nouvelle édition de 18h à 19h sur le 107 comme on l'avait promis sur la page Facebook. D'ailleurs à propos de la page Facebook, on s'est rendu compte courant de l'après-midi qu'on a annoncé l'émission en doublon, mais mieux vaut trop que pas assez. Et si je dis qu'on l'a fait en double, c'est forcément qu'on est au moins deux à l'animation avec Mika. Bonsoir Mika. Bonsoir Lou et bonsoir à tous. Oui, en effet, bonsoir tout le monde. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'heure des loups. La dernière remonte, si je me trompe pas, au 22 décembre 2018. Ça remonte. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Ça, ce sera un sujet pour une autre fois, si jamais ça intéresse. Mais si ça vous intéresse pas, on s'en fout, la vie continue. Mais comme on l'a annoncé, Mika et moi, tous les deux, de concert sur la page Facebook, et à même quelques minutes d'intervalle. On va parler littérature ce soir avec René Vincent Viry, qui est avec nous ce soir. Bonsoir René. Bonsoir. Alors, si tu es avec nous ce soir, c'est surtout pour parler de ton roman Mystérieuse Flore. On a beaucoup de choses à aborder. On va revenir aussi un petit peu sur ton parcours, qui est quand même, de ce que j'ai vu sur Internet, assez vaste. Donc, on va pouvoir s'y consacrer. Comme d'habitude, ce sera une heure des loups très, très en freestyle. C'est vrai que vous me connaissez bien et j'ai actuellement une vie très, très, très remplie, mais c'est pas nécessaire d'en parler. Toutefois, on va se faire une émission en toute détente, en toute décontraction, en toute authenticité et simplicité autour de toi, autour de ton œuvre, autour de ton parcours. Enfin voilà, oui, surtout le roman que j'ai lu de toi, qui m'a accompagnée pour les vacances de Noël, Mystérieuse Flore. Alors voilà, René, Mika, c'est parti. Et déjà, moi, ce que j'ai à dire, ben, je te félicite, René, je tenais à le faire à l'antenne, parce que j'ai passé... Alors, je sais plus qu'un bon moment, c'est que je suis passé par plein d'états différents. C'est très émouvant aussi, ça aborde plein de thèmes différents, on va les évoquer bien évidemment durant cette émission. Mais avant ça, j'aimerais quand même dire ce qu'il y a de rigolo, c'est que avant que je l'ouvre, ce livre, j'ai cru que c'était, alors là, il y a un malentendu, tu t'imagines, un livre naturaliste. D'accord. Ah, oui. Exactement, je me suis dit, c'est sur la flore, bien sûr, bien tous les végétaux, non c'est pas du tout le cas. Non c'est pas du tout le cas. C'est le prénom, Flore. Enfin, merci pour les remarques, pour les compliments, mais tu n'es pas le seul, hein, Mika, je te rassure, même sur les salons littéraires, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup, oui. Pas mal, on va dire, de personnes qui s'intéressent aux livres, puis qui ne comprennent pas pourquoi je ne me trouve pas parmi les livres qui correspondent à la flore ou à la faune. Hein. C'est arrivé au livre sur la place à Nancy ou au salon du livre à Colmar encore... à l'automne, là. Ouais. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas un problème. Mais pourtant, quand on regarde la couverture, on devrait se rendre compte que ce n'est pas le cas. Oui, tu veux nous en parler, d'ailleurs, vite fait, de la couverture. C'est une œuvre en granit ? Non, c'est une photo que j'ai tirée d'après une série de photos que j'avais fait dans le massif des Aravis, en Haute-Savoie, où je m'étais amusé à faire des gros plans sur des parties de roches ou de montagnes, en fait. Et le massif des Aravis, c'est assez caractéristique, hein, comme massif. Très strié. Je cherchais des visages dans ces montagnes-là. Et j'avais fait un petit diaporama. Je m'étais amusé à faire un diaporama que j'avais appelé Aravisage. Et voilà, quoi. Et j'ai tiré une de ces photos pour pour symboliser, on va dire, le portrait de Flore, cette femme, mais non cette fleur. Qui est-elle? Comment tu pourrais nous en parler de cette Flore? Qui est-elle? Tout d'abord, le prénom n'est pas innocent, parce que j'ai cherché, vu l'époque où se déroule... ça se déroule actuellement, mais aussi on remonte dans le passé, jusque bien avant la dernière guerre. Donc j'ai cherché un prénom qui pouvait correspondre à l'époque, mais non seulement ça, vraiment au personnage, qui collait au personnage. Et puis j'ai pas trouvé autre chose que celui-là, que Flore, parce que Flore, c'est une jeune femme très dynamique, qui bouffe la vie, quoi. Qui a 20 ans à peu près, qui a 20 ans au début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et puis qui malheureusement, je ne veux pas dévoiler, mais qui lui arrive des tas de problèmes, et autant elle a, comment dire, sans trop dévoiler, autant elle a un dynamisme, elle a un espoir de vie, elle est pleine d'énergie et elle est cisaillée par les événements, quoi. C'est l'enjeu de ce livre, Mystérieuse Flore, c'est-à-dire les deux parts de cette personne, la partie ensoleillée, d'ailleurs on peut la retrouver, je parlais de couverture, et c'est écrit deux fois Mystérieuse Flore, en version lumineuse, et puis en version en filigrane sombre. Et ce sont les deux côtés, les deux facettes de cette Flore. Oui, c'est ça, oui. Tout à fait, oui. Il y a une qui est tout en façade, tout en lumière, et puis une autre qui est là, derrière. Et bon, c'est le mystère aussi un peu, qu'on découvre tout au long du livre. Et c'est l'image que j'ai voulu rendre sur cette couverture. Ce sont des faits qui vont la faire basculer de cet état enjoué, à croquer la vie, à quelqu'un qui va se renfermer sur elle-même. Oui, elle va souffrir de ce qu'elle a vécu, et puis elle décide. Après ce qui lui arrive, elle a un certain refus de la vie. Autant elle voulait bouffer la vie avant, autant elle dit stop, quoi. Et sans vouloir faire des comparaisons avec la vie actuelle, je pense quand même que... Enfin, c'est pas innocent, ce que j'ai écrit là, comme ça. D'ailleurs, il y a un passage où elle a un dialogue avec un de ses amis, où elle dit carrément, quoi. Elle prédit presque ce qui va se passer 30 ans ou 40 ans plus tard. On va peut-être replacer un petit peu le contexte, que les auditeurs voient un petit peu ce dont on parle. Bon, pour les auditeurs qui ne voient pas à quoi ressemble la couverture, je vous invite à aller voir sur la page Facebook. La première de couverture est indiquée, comme ça on voit un petit peu. Mais oui, on va peut-être replacer le contexte. En effet, ça tourne autour de Flore, mais surtout ça se passe d'abord à la Bresse, en période d'avant-guerre et aujourd'hui, en fait, il y a un petit peu deux époques dans lesquelles ça se déroule, où il y a une héritière d'une propriété et d'industrie qui ont complètement périclité, qui se retrouve avec ça sur les bras et qui s'en fiche un petit peu parce qu'elle vit dans le sud. Et de l'autre côté, il y a la vie dans les années 30-40 de cette Flore, de cette jeune femme qui croque la vie à pleines dents, comme tu le disais, qui même plus fort, qui bouffe la vie littéralement, et dont le destin va changer avec justement le contexte historique, avec des rencontres, des actes manqués. Ça aussi, c'est un thème assez principal dans ce roman. Et c'est un petit peu toute cette histoire qui tourne, tout ce mystère qui débute en fait sur, non pas l'arrivée de cette jeune femme du Sud, ici à la Bresse, mais sur la découverte d'un article nécrologique, sur la découverte d'un corps bien décomposé au milieu de la forêt. Et c'est un petit peu là-dessus que ça va se dérouler, que ça va se jouer. Voilà, comme ça on a replacé un petit peu le contexte pour les auditeurs et j'espère qu'on a déjà commencé à leur donner envie de lire ce roman. Et alors, oui, Mika. Par rapport à ce que tu viens de dire là, justement, c'est aussi pour ça que je te félicitais, René, parce que moi, j'ai cru que le thème principal, c'était de savoir qui avait tué cette personne qui a été retrouvée en forêt pendant la guerre, enfin en fin de guerre. Alors, assez rapidement, je me suis dit, c'est facile, René, ça y est, j'ai trouvé qui a tué cette personne. Et on voit que cet assassinat est un élément, mais c'est pas la finalité. Non, c'est pas la finalité. C'est l'élément déclencheur pour cette héritière de biens industriels, oui, du textile. Hein. Donc voilà, elle trouve cet article-là, oui, elle cherche à savoir pourquoi, parce qu'elle n'a plus de famille, elle est venue en plus pour enterrer sa mère, voilà, c'est tout. Donc elle retrouve un vieil ami qui lui a 80 ans, et cette fille-là, on peut dire qu'elle en a 25 ou 30, ou à peu près, et elle cherche à savoir pourquoi elle trouve ça dans le château de son grand-père. Et ça déclenche toute la suite, quoi. Toute la suite, toute cette histoire, un véritable jeu de pistes, de reconstruction en fait. Et bon, de toute façon, on a encore largement, j'espère, le temps d'en parler. Tout ce qui tourne autour de cette histoire, de ce qui en découle. Confronter aussi, Mika et moi, nos avis de lecteurs, nos manières de lire. Parce que c'est vrai que là, c'est bien, on peut confronter deux manières de lire et avoir un avis beaucoup plus ouvert, beaucoup plus objectif. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs que toi, Mika, tu l'as lu très récemment. Moi, il m'a accompagnée pendant les vacances de Noël et j'y ai pas retouché depuis, ce qui est fort dommage. J'aurais peut-être eu la mémoire un petit peu plus fraîche. Toutefois, on peut confronter, on peut voir, on peut réfléchir ensemble à cette lecture. Mais René, avant de continuer à parler de ce roman et avant même de s'écouter une première pause musicale, j'ai envie de partir un petit peu sur ton parcours et surtout, avant toute chose, ce roman-là, c'est pas ton premier. Ce n'est pas mon premier livre, on va dire, mais c'est quand même le premier véritable roman. Hein, les deux autres, trois autres parutions, c'était un livre sur les Vosges, donc, dont j'ai écrit toutes les légendes et tous les textes pour un photographe, en fait. Le but du livre, c'était les photos sur le massif vosgien, photos artistiques. Le second, c'était mon autobiographie. Donc, pas dire ça, c'est pas vraiment véritablement un roman, quoique. T'avais romancé un peu dedans quand même ? Non, j'ai pris par ordre chronologique, voilà, et l'enfance, ce qui découlait. Enfin, on est tous un peu victimes, hein, ou pas forcément victimes, mais enfin, toute notre vie dépend beaucoup de la période de l'enfance. Donc j'ai vraiment fait un chapitre assez détaillé sur l'enfance, parce que c'est ce qui m'a conditionné professionnellement, j'entends. Hein. Le fil conducteur de cette biographie, c'est quand même ma profession de peintre. Donc, peintre-décorateur. Peintre-décorateur. Enfin, disons, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme apprenti peintre en bâtiment à 14 ans, parce que je ne voulais plus aller à l'école, parce qu'il s'est passé des choses. Donc voilà. On t'a découragé. On m'a découragé. On m'a, oui, bon voilà, ça m'a cassé, disons. Je ne voulais plus aller à l'école. À l'époque, on pouvait quitter l'école à 14 ans, hein, certificat d'études et vogue la galère. Donc ce que j'ai fait. Mais après, j'ai vite compris quoi, qu'il fallait rattraper un peu, pas le temps perdu, mais pour acquérir d'autres savoirs, il fallait que je me bouge. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait ce chapitre-là assez important sur l'enfance. Puis après, je raconte ma carrière professionnelle. Quel parcours ? Un parcours assez tourmenté, on va dire. Hein. Et d'ailleurs, hein, ton autobiographie s'appelle « Itinéraire insolite d'un homme ordinaire ». Oui. Et vous verrez en quoi c'est insolite, hein, ce parcours de René-Vincent Viry, si vous lisez cet ouvrage qui est assez épais. Oui, qui est assez épais, qui a fallu condenser, parce que sinon on serait retrouvé avec 500 pages. Ça faisait beaucoup pour l'édition. Mais voilà quoi. Toujours les mêmes éditions d'ailleurs, hein, auxquelles est paru « Mystérieuse Flore », c'est-à-dire « Nouvelles éditions Pages du Monde ». Oui, c'est ça, oui. Un petit éditeur qui est dans les Vosges et qui édite beaucoup de livres sur les pays, les voyages, et puis qui, depuis quelques années, essaie d'éditer des livres d'auteurs locaux, régionaux, pour diversifier un petit peu ses ventes. Et le livre juste avant ? Et le livre qui a suivi l'autobiographie, c'est un condensé de... Alors là, j'ai romancé quand même. Un condensé de toutes les farces et des Poissons d'avril qu'on a fait pendant une quarantaine d'années sur la Bresse et les environs, où je raconte des anecdotes d'avant-guerre et aussi des poissons d'avril faits par d'illustres déconneurs, dont Jean-Paul Leduc, qui est malheureusement décédé maintenant, mais qui était l'Hermitage Frère Joseph, de Claude Vanoni, de des personnes bien avant nous. Et puis nous, on avait repris le flambeau dans les années 80, où on a monté des Poissons d'Avril avec des mises en scène pas possible, quoi. Les émirs. Les émirs, enfin, les, bon, les 30, 40 personnes. Qui rachetaient la station de ski. Oui, qui rachetaient les stations de les ski stations du Massif Vosgien, qui rachetaient quasiment le Massif Vosgien, quoi. Les moules de rivière, les soldats de la dernière guerre, enfin, etc. Il y en a Mika m'a raconté plus tôt dans la journée une sur un mariage au Cora, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors ça, c'était pas Poisson d'Avril, c'était comme ça, une farce, quoi. On avait de temps en temps, on avait même créé une association, le SFLG, se fend de la gueule, donc voilà, et l'emblème était une hyène qui se voilait la face. Et on a fait quelques farces mémorables comme ça, dont un mariage à Cora, ici à Mirmont. Le repas de mariage qui se passait à la cafette. Oui, oui. Toutes les deux familles qui avaient quelques problèmes, hein, chacune, se retrouvaient au milieu des autres clients de la cafétéria. Et c'était, j'imagine, très cocasse. Voilà, oui, oui, c'était assez cocasse, oui, le mot est faible. Et puis, un des meilleurs gags aussi qu'on a fait, c'était un voyage en train, quand la ligne... le chemin de fer existait encore jusque Cornimont. On est parti de Cornimont pour aller à Crutes en train. Alors pour les gens du pays qui connaissent où se trouve Cornimont et où se situe Crutes, par la route, par le col d'Audrenne, il y a 20 km. Et par le train, il y avait 280 km. Ah oui, en passant par Nancy, Strasbourg. Ah ben, non, pas par Nancy, mais enfin, Épinal, Évillers, Lure, Belfort, Mulhouse, enfin, il nous a fallu... Une journée. Une journée, quoi. 8h du matin à Cornimont, arrivé à 6h du soir à Crutes. Hein. Et ce n'était pas une journée calme, en tout cas, pour les autres voyageurs qui étaient dans les trains que vous avez pris, puisque, notamment, les tartines de Munster et autres qui passaient devant le nez des autres voyageurs, alors... ça y allait. Alors, on aime rire et on aime encore rire, mais on a toujours essayé de... Enfin, c'était quand même un souci de ne pas se moquer de qui que ce soit. Mais forcément, quand on se met dans la peau de certains personnages ou certaines personnes, c'est délicat. Je vous parle de ça, le voyage à Crutes, là, c'était en 87. Donc, ça fait déjà pas mal de temps. Mais elle n'est pas née. Merci Mika de rappeler que je ne suis pas toute jeune. Mais de nos jours, on ne pourrait plus, je pense, faire ce genre de gag. Parce que, avec tout le respect que j'ai pour ces personnes-là, on s'était, je ne vais pas dire costumé, mais on s'était habillé de façon... Enfin, de gens, comment dire... En tout cas, vous aviez des problèmes. Des gens qui ont des problèmes dans la vie, quoi. On rencontre tout le monde, rencontre des problèmes, mais voilà, sans le sou, sans des pauvres gens, quoi. Et puis au rapport à l'autre. Et puis au rapport, rapport sociétal, enfin tout un tas de choses. Et il y a des gens qui nous prenaient en grippe, qui nous évitaient carrément, et des gens qui essayaient de nous aider, nous réconforter. On appellera ça maintenant des sans-abri, des cas sociaux, des tout ce qu'on veut. Mais voilà, on était comme ça, on était cinq. Et on a pu quand même remarquer au cours de toute cette journée-là comment ces gens-là vivaient, ce qu'ils subissaient, et comment ils étaient accueillis, ou bien ou mal, là où ils passaient. Votre canular était presque une enquête sociologique. Ah ben, le hasard a voulu que peut-être une semaine après ce... Cette journée-là, j'ai entendu à la radio un journaliste d'une radio nationale qui avait fait cette expérience-là, lui en clochard, dans les rues parisiennes. Il s'était juste muni d'un billet de 100 francs à l'époque, pour, en cas de besoin, mais vraiment vital, quoi. Mais il est allé jusqu'au bout de l'expérience. Mais il a dit, il a vécu la même chose que nous, hein. Nous, on l'a fait pour rire, bien sûr, mais parce qu'on a déconné quand même dans le train. Mais voilà, quoi. Donc ça, ce livre-là s'appelle « Prise de rire ». Jeu de mots. Oui, voilà. En effet. Et comme tu disais que tu te mettais dans la peau de certains personnages, en effet, tu n'es pas qu'écrivain, tu es aussi plasticien et comédien, vu que tu fais partie de la compagnie Sans Scène de la Bresse. Mmh. C'est un thème qu'on abordera dans quelques minutes, mais on va s'écouter une première pause musicale. Tu as proposé, on va commencer en douceur avec La Nocturne de Chopin. On va penser à ceux qui nous réécoutent en rediffusion le lendemain matin de 7h à 8h. Donc, La Nocturne de Chopin, et on se retrouve juste après. Thank you. C'était la Nocturne de Chopin. Vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107 FM. Vous pouvez, comme d'habitude, réagir à l'émission via notre page Facebook Radio Guémouzo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Si vous voulez nous faire un petit coucou, on est toujours au 8 place de l'hôtel de ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. On n'a pas bougé. Et oui, René, tu avais un petit message à passer, je crois. Un petit message ? Oui, je crois. J'ai un trou de mémoire là. Ah oui, tu faisais. Ah oui, tu informais à tes amis qu'on pouvait nous écouter. Ah oui, 107. Oui, bah ça y est, c'est parti. Je pense que tu peux leur dire aussi, si jamais, que ceux qui peuvent pas nous capter comme ça peuvent nous écouter via Internet ou en allant directement sur notre site ou en passant par la plateforme Radioline qui est compatible sur les smartphones et qui est gratuite. Et puis n'hésitez pas, pour ceux qui ont mon portable, à écrire pour poser vos questions à René Vincent Viry, ça fera toujours plaisir. Et c'est possible. En effet, j'ai plusieurs bras, mais ça, je pense que ça se sait. On est toujours, on va parler encore de bonne humeur, de joie et de comédie. Comme j'avais dit avant la pause musicale, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ton parcours. Alors assez brièvement, parce que c'est vrai que c'est bien de se recentrer sur ton dernier né, ton roman Mystérieuse Fleur qui est sorti en juillet 2018. J'allais dire de cette année, mais on n'est plus dans la même année. Et oui, voir un petit peu la variété de ce que tu fais, parce que je suis allée faire un tour sur ton site, sur Art Majeur. Je vois que tu en fais des choses. On va en parler dans quelques instants, mais c'est vrai que parle-nous un petit peu de la compagnie Sans Scène. Ça fait combien de temps que tu fais partie de cette compagnie théâtrale Bressaude ? La compagnie Sans Scène, je l'ai créée en 2013. C'est pas très vieux. Non. Je suis dans le théâtre depuis 1970. Voilà. Donc j'ai été longtemps, jusque l'an 2002. Groupe théâtral de la Bresse, où j'ai commencé par peindre les décors, puisque mon métier était donc peintre. Oui. Après, on m'a confié certains rôles, quelquefois des petits rôles, des rôles principaux. Et puis, dans les années 88-90, par là, je suis passé à la mise en scène. Et jusqu'en 2002, groupe théâtral. Après, j'étais quelques années au théâtre de Saint-Nabor, Où j'ai pu monter là une pièce qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué tous les comédiens qui ont participé et le public qui l'a vu. On a monté une pièce sur Jean Moulin. C'est Jean Moulin qui a gagné. Ça a été un gros, gros travail. C'était une très belle pièce. Et puis voilà, donc pour en revenir à la compagnie Sans Scène que j'ai créée en 2013, parce que j'étais quelques années sans faire de théâtre, il y a eu une petite coupure, et je tenais à remettre ça, donc en montant des pièces, en essayant de monter des pièces d'un autre répertoire que la comédie ou que le théâtre de boulevard. Et c'est un peu plus difficile dans le sens où ça nécessite plus de temps pour les répétitions. Une pièce qui doit être bien montée, une année de répétition est nécessaire. Oui. Donc ça nécessite beaucoup de présence, d'astreinte, on va dire presque. Donc voilà. Et on a monté 4 pièces, mais on a eu quelques déboires parce qu'on a eu des personnes malades plusieurs fois, plusieurs années de suite. Il a fallu changer la distribution, il a même fallu annuler une pièce à un mois de la première. On a beaucoup, beaucoup regretté, mais bon, c'est comme ça. Après, il y a eu d'autres circonstances qui font que ben, on était un peu en suspens. Et puis là, on redémarre sur... pour l'instant, on prépare une lecture théâtrale qu'on va présenter fin avril à la Bresse. Au Jeudi littéraire ou c'est encore autre chose ? C'est dans le cadre... non, c'est pas les Jeudis littéraires. C'est dans le cadre des soirées théâtrales que la Maison de la Bresse essaie d'organiser. Donc ils ont fait venir des souris et des hommes avec Chaud Devant. Mmh. Il n'y a pas très longtemps, il y a une troupe qui va se présenter bientôt, une autre encore, et nous, fin avril. Il s'en passe des choses à la Maison de la Bresse. Oui, ça bouge, oui, grâce à Xavier Battistella et son équipe qui font un sacré boulot. Hein. Oui, en effet, parce que là où je t'ai rencontré, René Vincent Viry, c'est justement pendant les Jeudis littéraires à la Bresse. C'était à l'occasion de la rencontre de Nicolas Mathieu. Oui. Oui, Nicolas, j'ai failli dire Jean-Nicolas Mathieu, mais ce n'est pas la même personne. Mmh. Le nouveau prix Goncourt, j'allais dire. Là, je m'en mêle un petit peu les pinceaux, c'est la fin de journée, on fatigue un petit peu tous. Mais on va tenir encore pour la demi-heure qui reste. Et justement, à cette occasion-là, non seulement tu étais là et j'ai eu l'occasion de te rencontrer, de voir que toi aussi, tu avais sorti un roman et c'était l'occasion de me le donner pour que je puisse le lire. Mmh. Et il y avait justement, à ce moment-là, la compagnie sans scène qui, ce n'était pas à son coup d'essai, mais qui donnait vie à des scènes, des romans, un partenariat aussi qui a été fait, et c'est là que j'ai vu aussi un petit peu la compagnie sans scène à l'œuvre, donner une nouvelle dimension en fait au roman de Nicolas Mathieu et des autres qui sont passés dans les jeudis littéraires. Mmh. D'ailleurs, dis-moi, toi, tu as été au jeudi littéraire du 13 décembre, comment ça s'était passé cette soirée pour toi ? Très bien, très bien. D'ailleurs, impressionnant dans le moment où les quelques comédiens de la compagnie sans scène ont interprété des textes de Mysterious Floor, donc de mon livre. Et là, je vous assure que c'est assez. On a le frisson parce que on voit des personnages qu'on a créés, on les voit évoluer devant soi. C'est resté de la lecture théâtrale, mais bon, il y avait quand même une mise en scène. Et là, c'est assez troublant, parce qu'on voit ces personnages qui prennent vie. Et tu n'as pas joué du tout, là ? Ah non, moi, j'étais le... ah non, le pauvre. J'étais dans le fauteuil. Mais d'ailleurs, j'y pense, le fait de faire de la comédie, de se mettre à la place d'un personnage, de créer tout un background, des émotions et des choses comme ça, est-ce que ça t'a aidé dans la création de ton roman et de tes personnages pour leur donner encore plus de vie ? Alors, même si Mysterious Floor, pour moi, dans la manière dont j'ai lu, c'était pas comme une pièce de théâtre, mais... ces personnages étaient vivants. Oui, le théâtre m'aide beaucoup dans l'écriture, particulièrement dans les dialogues. Là, je me sens bien, assez à l'aise dans les dialogues de mes personnages. Pour les imaginer dans une situation, dans un décor, les voir évoluer, oui, je les imagine comme lorsque je crée une mise en scène d'après un manuscrit, hein. Généralement, il n'y a aucun indice dans un manuscrit de pièce de théâtre. Oui. Donc, et ça, j'aime bien parce que ça laisse la création, on est entièrement libre, quoi. Ouais. Donc, pour l'écriture, oui, c'est pareil. Alors, on a parlé de la création des personnages et de la comédie, vu que, comme je le disais, tu fais partie de la compagnie sans scène de la Bresse, mais mieux, tu l'as créée. Parce que j'étais pas au courant. Et vu qu'on a parlé des personnages d'un côté, il y a le décor. Et qui parle de décor, tu as créé des décors d'opéra. En effet, tu as une autre corde à ton arc. Je vais me permettre d'utiliser cette expression que j'ai beaucoup trop utilisée dans une émission antérieure. C'est la peinture. Tu es aussi plasticien, peintre plasticien. C'était mon métier, toute ma carrière professionnelle. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par peintre à bâtiment. Après, j'ai repris une école, j'ai travaillé dans des entreprises, je me suis installé à mon compte, j'ai fait de l'enseigne, de la publicité, de la sérigraphie. Je suis passé après au décor de théâtre et d'opéra. J'ai travaillé plusieurs années à l'Opéra de Genève. Après, j'ai travaillé dans différents théâtres, parisiens ou lyonnais ou autres. Et puis toute ma clientèle quoi, que j'avais créée, aussi bien pour peindre des fresques, des trompe-l'œil, des décors d'intérieur, d'extérieur, enfin un peu toutes sortes de choses là. Donc, ça a été mon parcours, et puis j'ai terminé mon parcours professionnel avec ma galerie de peinture, où j'avais plus le statut d'artisan ni autre, c'était le statut d'artiste peintre. J'avais ta galerie ? J'avais ma galerie à la Bresse, j'ai eu ma galerie pendant 8 ans à la Bresse, oui. Et une galerie, tu en as toujours une, en tout cas sur internet, on peut te trouver sur artmajeur.com, le site sera rappelé avec le podcast de l'émission bien entendu, là où tu abordes différents thèmes. Alors j'ai un petit peu l'ordinateur sous les yeux, c'est de la triche, mais tu traites des thèmes d'amour, d'ailleurs on va en reparler avec le roman Mysterious Floor, et aussi beaucoup, beaucoup de paysages, hein. J'imagine que c'est important pour toi, notre cher paysage vosgien. Oui, en fait, par mon parcours professionnel, où j'ai peint beaucoup de choses figuratives, on va dire, le trompe-l'œil par définition, hyper figuratif, et ce que ma clientèle me demandait, hein, des paysages, des vues, des choses comme ça, quand je peignais pour moi à l'atelier, j'essayais de peindre par abstraction au maximum. Et ça, ça m'a été, j'ai pas découvert, mais j'ai vraiment eu d'initiation même quand je suis passé au théâtre de Genève avec des confrères, des collègues qui eux avaient fait d'autres études, qui avaient eu un autre parcours, les beaux-arts par exemple, ou des choses comme ça, dont un peintre particulièrement qui m'a initié à l'abstrait. Et je suis plongé dedans, quoi. J'aimais ça. Et quand je peins pour moi, j'essaie toujours, et je me lance un défi à chaque fois, de prendre un sujet concret, philosophique ou autre, hein, ou ce que je vis, ou ce qui se passe, ou ce que je vois, et puis d'essayer de le peindre par abstraction maximale. Alors c'est un défi pour moi parce que toute ma vie, j'ai peint beaucoup plus de choses figuratives. Et se décoller du figuratif pour peindre l'abstrait, c'est pas toujours évident. Alors quelquefois je fais des croûtes, quelquefois je me loupe, mais bon, voilà quoi, j'en ai vécu quand même, hein. Et j'en vis encore plus ou moins maintenant parce que j'ai élevé le pied quand même, mais je peins toujours, oui. Mais dans tous les cas, si jamais on veut retrouver tes toiles, ne serait-ce que pour les voir, et franchement, ça vaut le coup d'œil, sur artmajeur.com, de toute façon, le site sera indiqué avec le podcast, mais comme voilà, on parlait un petit peu de tout ça, alors on va pouvoir tout doucement revenir au livre, vu que c'est vrai que c'est quand même le cœur de l'émission pour le temps qui nous reste. J'ai envie qu'on se fasse une brève petite pause musicale. Tu as proposé du Canon Pachelbel, oui. En espérant que je n'écorche pas trop le nom. Alors je vais passer un morceau assez court, histoire de... Oui, parce que sinon, il y en a pas énormément. Il y en a pour très très longtemps, et pourtant on a encore beaucoup de choses à aborder, alors j'aimerais favoriser un petit peu le contenu et la discussion. Pourquoi ce morceau-là? Parce que j'adore écouter ce morceau-là quand j'écris certaines scènes, j'écoute ce morceau-là en boucle. Il dure une heure, mais si j'écris pendant 4-5 heures de temps, je le laisse en boucle. Ah bah dis donc. Il met dans une condition particulière. Alors on va s'immerger avec toi dans la manière dont tu écris. C'est Canon Pachelbel et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. On a écouté une adaptation de Canon Pachelbel. En effet, René, c'était ce que tu as l'habitude d'écouter quand tu écris? On le dit pas? Oui, on peut le dire. Pas tout à fait. Le début, oui. C'est une adaptation que je découvre d'ailleurs, qui pourquoi pas, hein, qui est très bien. Mais que je n'écouterai certainement pas pour écrire. Oui, en effet, c'est un petit peu plus... Plus rock'n'roll, je pense qu'on peut se permettre de le dire, mais après, voilà, déjà, c'est les aléas du direct. Ça donne une idée du thème. Du thème, plutôt, en tout cas, au début, floral, enfin, pour moi, c'est baroque, donc je vois complètement, gothique, flamboyant, tout ce qui est floral, tout ce qui est... Et on en revient forcément, qui dit floral, dit Flore, une mystérieuse Flore, ton roman qui est sorti en juillet 2018. J'ai une anecdote, hein, quand j'ai écrit certains passages des scènes les plus troublantes, on va dire, hein, pour ne rien dire de plus, dans Flore, j'écoutais particulièrement cette musique-là. J'ai eu les frissons, j'ai même eu, allez, je le dis, quelques petites larmes au coin des yeux en écrivant certaines scènes, tellement c'est troublant. Ah bah dis donc, tu nous donnes envie d'en savoir plus, tu donnes, j'en suis certaine, aux auditeurs l'envie de lire le roman. Mais justement, on va aller un petit peu au fond des choses pour les à peu près 20 minutes qui nous restent. Parler peut-être dans les grandes lignes, sans donner forcément la résolution. On va parler de nos confrontations de point de vue de lecteur, on va parler aussi des thèmes abordés. Voilà, je pense que c'est déjà une bonne petite chose, et après forcément pour la fin, en espérant que j'ai le temps de les aborder, les projets, les choses à venir, enfin voilà. Est-ce que ça te va comme ça, René? Très bien. Fantastique. Alors Mika, toi et moi, on va commencer par là avant de terminer sur les thèmes abordés, je vais y arriver. On va confronter déjà nos avis de lecteurs, avis qu'on a un tout petit peu confrontés dans l'après-midi, on en a profité. Hein. Il fait beau, profitez si vous avez le temps de faire des petites promenades sur les dessus. Les vues sont magnifiques comme les ciels, le ciel est dégagé. Enfin voilà. Et on a profité d'une petite promenade dans les dessus, s'immerger un petit peu de ce monde un petit peu floral, naturel. Dans la mystérieuse flore, mais pas oui. La même. de confronter un petit peu tout ça. Alors, Mika, tu peux nous donner ton avis de lecteur? Ben, c'est en même temps en interpellant René, bien évidemment. Pourquoi as-tu choisi? Moi, la première chose qui m'a marqué, c'est ce contexte historique. Alors, on le disait en deux parties, hein, c'est-à-dire une partie se passe, je crois, c'est l'année dernière. Une autre partie se passe sous l'occupation, même juste un petit peu avant. Pourquoi ce choix historique? Alors, pourquoi? Au départ, j'ai... Comment dire, un personnage local m'a inspiré, enfin, c'est pas tout à fait ça, je me suis inspiré d'un personnage local, ça c'est plus exact, voilà, qui n'est plus de ce monde, une femme qui a vécu au fond de la vallée, à la Bresse, et qui a vécu toute sa vie en dehors du temps, qui avait une petite exploitation agricole, mais qui vivait de ça, quoi, tout simplement. Sans électricité, très intelligente, très instruite. Et voilà, je me suis dit un jour, mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne qui a tout pour réussir une vie professionnelle, une vie sociale, on va dire normale entre guillemets, parce que ça ne veut rien dire ça, mais... Et qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne comme ça pour se refermer, couper du monde, comme ça, se couper du monde, plus ou moins, et voilà, donc je n'ai pas raconté sa vie, je ne me suis pas inspiré de sa vie, c'est juste la question-là qui m'a inspiré au départ. Après, j'ai créé ma fiction totale, les personnages qui sont dans ce roman sont tout à fait fictifs. Tu le dis au début de l'ouvrage, hein ? Oui, bien sûr. Que si jamais il y a une ressemblance, ben c'est pas voulu, voilà. Des fois ça peut arriver, ça peut arriver aussi, mais par contre les faits historiques sont réels. Voilà, sont réels. Alors, compte tenu de l'histoire comme je l'ai prévu, il fallait remonter forcément dans le temps. Donc Flore, elle a 20 ans en 1940, donc elle vit avant certaines choses. Elle vit à 20 ans, début de la guerre, pendant la guerre. Je me suis servi un petit peu de l'histoire locale pendant la guerre, c'est-à-dire du maquis de la Piquante Pierre, mais je ne cite même pas le lieu, mais on le devine aisément, la chute du maquis, quoi. Hein. Et puis, les bombardements de la Bresse, qui est sous les bombes pendant 6 semaines, et l'évacuation de la population bressaude par le lac des Corbeaux, le col de la Vierge, et qui redescendent sur Xoul. Ça, c'est... Voilà, disons que Flore évolue dans ce contexte-là. Mais je ne m'éloigne pas dans des détails historiques. Hein, j'ai pas voulu faire un roman historique. Et pourtant, il se passe, comme tu le disais, sur fond de Seconde Guerre mondiale, encore oui. Que c'est pas non plus dès le début, c'est pas tout ce qui se passe, mais il y a une partie de ça, il y a une partie aussi de comment on vit à ce moment-là une partie d'après, de reconstruction, même si ce n'est pas de la littérature des décombres, comme on a pu en voir beaucoup, qui traite ce thème, parce que c'est un thème, en tout cas, au lycée, vu et revu, je peux peut-être parler rapidement, comme j'en ai parlé à Mika, quand j'étais en première et qu'il fallait faire mon TPE et qu'on a dit qu'on voulait faire sur la littérature d'après-guerre 39-45, bah, les professeurs ont levé les yeux parce que tout le monde veut traiter de ce thème. Et pourtant, tu as trouvé un angle à aborder. Alors, c'est vrai que ce n'était pas pour un TPE, mais c'était pour un roman. Et tu as donné un certain angle, un certain sens, et même un impact sur le futur à beaucoup plus long terme. Et oui, parce que toute la vie de Flore dépend de cette période. Enfin, la vie après ses 20 ans, je veux dire. Toute sa vie, elle va dépendre de ce qui va se passer pendant cette période-là. Et puis après, il y a les non-dits, il y a tout ce qu'il faut pas, tout ce qu'il faut cacher, tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce que et voilà. Donc et jusqu'à nos jours, quoi. Forcément. S'il y a une chose en tout cas qu'on peut vendre, comme tu parles de non-dits ou de choses qu'il faut cacher, c'est un roman qui parle, comme je le disais, de beaucoup d'amour. Oui. Et il parle aussi d'un amour interdit. Eh oui. Entre deux personnes qui ne sont pas nées du même côté de la frontière et d'autres formes d'amour. Mais c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans notre réalité à nous, les personnes qui ont eu des liaisons, enfin c'était surtout des femmes qui ont eu des liaisons avec des soldats allemands, étaient tondues, étaient humiliées, étaient torturées, comme le disait Mika. Enfin voilà, et d'une certaine manière déjà ce roman, c'est pas pour dédramatiser ou sortir les violons, mais montre à quel point l'amour c'est simple, c'est pur, c'est innocent. Et voilà, tout à fait, et l'amour n'a pas de frontières. Quoi. C'est ça qui est terrible, moi c'est un aspect qui m'a beaucoup touché, puisqu'elles étaient jugées, ces femmes qui avaient une histoire d'amour certainement sincère et pure avec des Allemands, étaient jugées comme des collaboratrices. Ouais. Collaboratrice, mais du coup j'ai fait un lapsus, mais oui, c'est collaboratrice. Et elles étaient coupables d'aimer. Mais bien sûr, tout à fait. C'était, beaucoup, ça a été ça, plus que de la trahison politique, on va dire. Hein, bien sûr. Mais c'est terrible. C'est terrible comme circonstance. En effet, c'est plutôt terrible, c'est plutôt difficile, la reconstruction après tout ça, sans tout vendre bien entendu, parce que j'ai toujours la conviction, l'intime conviction qu'on donne aux auditeurs envie de lire ton roman. On parlera aussi de là où on peut le trouver si jamais. Mais d'autres thèmes qui sont abordés, mis à part cet immense amour, enfin déjà... l'amour France-Allemagne, ou du moins les histoires, enfin comme tu le disais, l'amour qui n'a pas de frontières. Mais pour moi, ça va au-delà de cet amour fusionnel, cet amour passionnel qu'un couple peut vivre. C'est l'amour universel, même pour des personnes qui se côtoient, qui se connaissent. Parce que ça fait partie de la résolution que je n'ai pas le droit de dire, même si ça me démange. Mais oui, cet amour qui fait de partager, que ça appartienne ou non, on donne, on transmet, et c'est ça qui est véhiculé aussi, cet amour malgré tout et malgré les secrets. Les secrets, bien sûr, les secrets. Ça modifie quand même beaucoup la vie. Non seulement les conditions, mais la vie dans son intégralité, quoi. Et ce que dit Lou, c'est d'autant plus vrai que la conclusion, c'est aussi ce qu'elle reflète, cette fraternité, je trouve, la conclusion du livre. Du livre, oui, parce que, en fait, l'amour continue, quoi. Jusqu'au bout. Oui, l'amour continue malgré tout. Et comme on parle de résolution, forcément, on l'a dit, ça commence sur un article sur un corps découvert en état de décomposition. Enfin, ça commence même avant. Dans la forêt. Oui, c'est vrai. C'est une histoire d'héritage d'abord. Oui, d'abord, c'est une histoire d'héritage. D'abord. Mais c'est vrai que ce roman a été un véritable jeu de piste. Et c'est là que j'aimerais confronter un petit peu nos avis de lecteurs, toi et moi, Mika. On savait pas trop dans quelle direction tu allais nous emmener, mis à part que mystérieusement, Flore, il y a un personnage qui s'appelle Flore, alors forcément ça tourne autour d'elle, mais sans donner la résolution, oui c'est vrai qu'on se dit ah oui, peut-être que la résolution c'est la résolution de ce crime et autre chose, et en fait voilà, les rouages font que on sait pas trop exactement où tu nous emmènes, mais au fil du roman, Mika tu me diras, j'ai fini par deviner la fin. Vraiment, je ne peux pas t'en dire mais oui, un mais... élément de la mais... fin, par contre. Parce que, comme je disais, il y a tellement d'éléments et de thèmes, finalement, abordés que, toi, oui, tu as deviné un élément en particulier, mais parmi d'autres. Oui, parmi d'autres. Toutefois, ça, c'est un élément que j'ai vu quand même rapidement, gros comme une maison. Alors, justement, je me pose la question, est-ce que ce sont des rouages visibles ou est-ce que je suis une lectrice aguerrie? Mika, est-ce que ce rouage-là, tu l'as vu? C'est toujours délicat de parler d'un livre sans trop en dévoiler, surtout celui-ci. Je vois l'élément que tu évoques, qui est un élément essentiel, bien évidemment. René, tu vois aussi ce dont elle parle. Alors, quand elle dit gros comme une maison, je vais mimer comme ça, les auditeurs ne verront pas, gros comme une maison. Oui. Mais il y a une scène... Mais je vois ce que veut dire Lou, c'est qu'il y a une scène qui nous fait penser que qu'il y a ce lien. Évidemment. Et c'est voulu que, bien sûr que tu as voulu mettre l'éclairage là-dessus pour que cette fois-ci, qu'on ait une idée sur ce lien. Oui, sauf que... peut-être qu'on peut deviner tout, hein, des personnes très aguerries, comme Lou, par exemple. Oui, pourquoi pas, hein. D'autres ne l'ont pas vu venir. Mais comme il y a plusieurs choses à la fin qui se dévoilent, non seulement ce geste que Mika vient de faire, que les auditeurs ne verront pas. Heureusement, on n'a pas encore de webcam dans les radios, dans les locaux. Mais il y a d'autres éléments qu'il faut que cette histoire de lettres, c'est pareil, je voulais pas le dire ça, René. Moi, j'en ai parlé à Lou en aparté. C'est vrai que moi, ça fait partie des moments émouvants pour moi. Et je pense que d'autres qui l'ont lu et qui le liront, ça sera la même chose, puisque ça, on peut pas dire précisément ce qu'il en est, mais ça, c'est, moi, c'est au-delà de ton livre, c'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé qu'un destin peut se jouer à ça. Oui, les actes manqués. Parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose pour que la vie de Flore change totalement. Il n'y a rien, il n'y a presque rien. Mais ce rien, il existera toujours. C'est une histoire à la fois triste et à la fois joyeuse Parce qu'elle finit, on va dire, pas trop mal. Finalement, ça finit pour les personnages contemporains, on va dire. Il y a l'humour aussi quand même un peu. Mais il y a beaucoup, je reviens, puis-je dire René que tu m'as mis sur le cul? Puisque j'en étais resté tant mieux. Au précédent livre Prise de rire, que j'ai adoré parce que comme tu le narrais tout à l'heure, tu expliquais toutes ces farces et autres poissons d'avril que vous avez menés pendant une quarantaine d'années à la Bresse et autour. Et alors, tu avais déjà voulu lier tout ceci, tu n'avais pas raconté chaque canular comme ça, non, c'était non, lié c'est par... un personnage que j'ai créé. Même deux personnages. Deux personnages que j'ai créés qui enquêtent et qui véhiculent parmi toutes ces farces-là, qui se font avoir, et puis après qui participent même à d'autres, avec les autres, à monter ces farces-là, enfin bon, voilà. Mais l'humour était prédominant, heureusement. Oui, tout à fait, Alors que là, il y en a, tu le disais. Mais il y a tellement d'autres choses, d'autres ingrédients, et je le disais, l'émotion, il y a plein de moments qui sont très prenants. Et moi, j'ai eu l'impression, ce que je disais en introduction d'émission, que c'était les poupées russes. C'est que j'ai ouvert, moi j'ai cru qu'elle était seule, et puis non, il y en avait encore une dedans, une dedans, ça n'en finissait plus. Qu'est-ce que tu en dis, cette histoire de poupées russes? Oui, c'est ça, c'est vrai que ça me plaît bien, comme image... Oui, c'est ça, parce qu'on découvre à chaque fois autre chose, c'est vrai. Ces deux personnages-là, contemporains, qui se rencontrent, cette jeune fille, cette jeune femme, et ce vieux pêcheur-là, ils découvrent ensemble des choses que, comme lui-même, qui connaît toute l'histoire locale, ne connaissait pas. Et le mot-clé du paradis, je pourrais dire, ça a un lien avec le livre, c'est « lien ». Puisque là encore, il y a un lien, ce que tu viens de dire un petit peu, entre ces personnages. Tu crées des passerelles. C'est vraiment cette envie de créer du lien. Oui, créer du lien. C'est un peu tout ce qui me plaît dans la peinture et dans le théâtre. Dans ton parcours, c'est ce qu'on retrouve. Finalement, c'est ce qu'on retrouve. C'est ça. Oui, et puis dans cette trilogie... artistique que j'ai, voilà, à laquelle je suis abouti, théâtre, peinture, écriture, je retrouve beaucoup de similitudes, beaucoup de choses à dire, et un peu les mêmes choses à dire, parce et la même toi. Façon aussi à les dire. Parce que c'est toi, peu importe voilà, le médium ouais. et le support. Oui, c'est ça, c'est l'émotion que j'essaie de transmettre ou de créer chez le lecteur ou chez le visiteur ou le spectateur. Mais en fait, à la fois, tu dis que tu trouves les mêmes thèmes à aborder, mais pas sur les mêmes supports, donc tu les abordes pas non plus tout à fait de la même manière, ou tu non. leur donnes à chaque fois une nouvelle dimension. Bah oui, forcément, il y a toujours une différence quand même. Le théâtre, il y a des comédiens, moi je fais de la mise en scène, j'essaie de faire un mélange de tout ça avec le public. Il y a le public. La peinture, je suis seul. L'écriture, je suis seul, mais la peinture... l'étoile se regarde, un livre se lit. C'est, y a une démarche différente de la part du public, on va dire. Je vais dire le public, parce que, bon, voilà. Et, mais à chaque fois, c'est essayer de toucher au cœur du lecteur ou du regardeur, moi je dis, pour la peinture, parce que c'est pas forcément un acheteur, quelqu'un qui s'intéresse à une peinture. Et j'ai vu, moi, dans la galerie que j'avais, des personnes très émues devant des toiles sur lesquels moi j'avais mis toute mon émotion pour les peindre, parce que j'avais un sujet précis, même un sujet personnel, hein, un sujet dans lequel j'avais mis moi toutes mes tripes, avec beaucoup d'émotion. Certaines personnes regardaient cette toile, étaient touchées, mais au cœur, et recevaient une émotion différente de la mienne. Hein. Ne percevaient pas, forcément sur une peinture abstraite en plus, ne percevaient pas la même émotion, mais percevaient l'émotion, une émotion. Et j'ai vu des personnes pleurer hein, devant des toiles. C'est très troublant, ça. Hein. C'est très troublant. Mais à ce moment-là, je dis, ma peinture est réussie. Voilà. C'est pas toujours le cas, loin de là. Mais dis-moi, si on a envie de ressentir un petit peu toutes ces émotions que tu véhicules, d'échanger avec toi, tout simplement, pour te retrouver, où est-ce qu'on va pouvoir te voir prochainement ? Alors, pour la peinture ? Pour tout. Ah, pour tout. Ah ben, pour tout. Alors, prochainement, le plus proche, c'est le 26 avril à la Maison de la Bresse, où on va faire une séance de lecture théâtrale. Mais là, c'est de l'émotion, mais ça va être du rire, puisqu'on est en train de travailler sur Les Brèves de comptoir, hein, de Jean-Michel Ribes, enfin, adapté par Jean-Michel Ribes. Donc, voilà. En peinture, pour l'instant, j'ai pas d'expo prévue. Et puis, en écriture, j'ai un livre qui est en préparation, dans lequel je présente... je grille peut-être un peu les non, étapes. D'un coup, t'as attisé ma curiosité. Non. Alors, ça y est, je t'écoute. Ouais. Mais je te dînais parce que j'avais noté sur ma petite fiche, j'ai trouvé que t'étais très prolifique ces dernières années, un livre par an. Oui, c'est ça. Là, tu es en train... À deux. Ah oui, carrément. Carrément. Bon, je ne sais pas si les deux vont sortir cette année. Je pense que oui, mais y en a un qui est pas sous presse encore. Mais c'est un peu particulier parce que dans ce livre-là, j'y présente mes peintures. Et avec chaque peinture, un texte que j'ai écrit qui correspond à la peinture ou la peinture correspond au texte. Mais j'ai à chaque fois essayé d'écrire... Enfin, de m'inspirer de ce que j'avais fait. Donc, soit c'est la peinture qui m'inspire le texte, ou inversement. Et avec ça, je vais mêler un CD sur lequel je vais enregistrer ces textes-là que je dis, quoi. Voilà. Projet ambitieux. Voilà, ben, on en a fait déjà quelques enregistrements, et puis bon, voilà, il faut affiner. Ça sera pour 2020 ? Sera pas ah non, je pense ah non, que tu... il peut, ça peut sortir là. Ah, ça oui. peut sortir là. Les maquettes sont faites, tout est prêt, la mise en page est prête. C'est surtout au niveau du CD qu'il faut. Toujours dans la même maison d'édition, Nouvelles Éditions. Pour l'instant, oui, ouais. oui, Nouvelles Éditions, Page du Monde. Et puis voilà, et puis un autre un roman qui est aux trois quarts écrit pour l'instant, qui est pas prolifique, qui est pas terminé. Oui, j'ai encore un bon quart, oui, à faire, oui. Eh bien, pour ceux qui veulent peut-être en savoir plus sur René Vincent Viry et pour s'immerger un petit peu dans ton univers de lecture, eh bien, n'attendez pas la sortie de ton prochain roman. Lisez Mysterious Flore. D'ailleurs, mis à part la grande plateforme sur Internet dont on va taire le nom parce que tout le monde la connaît, bien où est-ce qu'on trouve ton roman ? On trouve le roman dans toutes les librairies, puisque les nouvelles éditions Poche du Monde diffusent ce livre-là au plan national. Hein, donc tous les libraires peuvent la commander. Je ne veux pas dire que tous les libraires l'ont en stock, hein, ce n'est pas le cas. Mais les libraires dans le secteur, oui, en ont. Et puis les centres, on va dire les centres culturels, entre guillemets, quoi. Hein. Pour vous encourager à lire Mysterious Flore de René Vincent Viry, j'aimerais vous dire que là aussi, hein, les personnages sont très denses, très riches. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Les personnalités différentes et même quelqu'un comme Victoire, que peut-être vous n'apprécierez pas, à un moment donné, elle est touchante puisqu'on comprend aussi pourquoi elle se comporte ainsi. Bien sûr. Le fait qu'elle n'a jamais eu le choix dans sa vie. Et c'est ça que j'ai aimé, moi, encore une fois, le fait que chacun est complexe et multiple, et ça ressort bien dans tes personnages. Ouais, oui, parce que cette femme-là, qui se prénomme donc Victoire, on la déteste tout au long du livre. Ah, on oui, la déteste, cette je femme, confirme. Parce qu'elle est plus ou moins responsable aussi de la vie de Flore. Oui. Mais à la fin, sur la fin de sa vie, cette femme-là, on comprend, on peut comprendre pourquoi elle était comme ça. Et c'est la réalité, ça, hein, de tous les jours. Et dans tous les cas, pour savoir pourquoi on a autant pu détester puis enfin comprendre Victoire, eh bien, il n'y a pas de secret, hein, lisez Mystérieuse Flore. Dans tous les cas, on peut retrouver un petit peu ton œuvre, je le répète, sur ton site artmajeur.com. Enfin, c'est un réseau social ou une galerie d'artistes, je en fait, pense. C'est une galerie d'artistes. C'est un site sur lequel on doit être en France 20 000 et sur la planète, on est, je ne sais pas, 500 000, j'en sais rien, je regarde même pas. Mais donc chaque peintre peut y créer sa propre galerie. Et voilà, quoi, c'est ça tourne. Par contre, moi, j'ai un site perso, oui. VincentViry.com, RenéVincentViry.com, tout simplement. Qui donc, sera indiqué là, avec j'explique le podcast. Un peu plus... je parle un peu plus de mes livres, de mes écrits, et je mets aussi un peu la peinture, quoi. Mais je renvoie sur Art Majeur pour la peinture, parce qu'il y a tellement de photos et tellement d'œuvres exposées que je ne pourrais pas tout mettre sur un seul site perso, ou alors il faudrait que j'ai un site plus performant. Comme on le disait, un site ne suffit pas forcément pour montrer toute ton œuvre, et une heure ne suffit pas non plus pour tout résumer. Et malheureusement, cette heure touche malheureusement déjà à sa fin. Alors avant qu'on se dise au revoir pour de bon, ça va être le moment de faire comme je le faisais d'habitude, la programmation de la soirée, mais c'est vrai que c'est pas évident de la retrouver. Alors, on retrouvera dès 20h le calendrier des esclavages et des libérations avec François, puis musique toute la nuit jusqu'à demain matin, 8h. Ah non, déjà, il y a rediffusion demain matin de 7h à 8h. Voilà, j'ai clairement perdu la main de l'émission que vous avez entendue à l'instant. Et pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera déjà dès ce soir en podcast sur notre site internet radioguémouzon.eu ou sur notre page Facebook Radio Guémouzo. Puis mardi 26 février, dès 8h, on entendra l'IA pour 6 minutes bonheur. Et enfin 8h30, la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, si on se retrouvera dans tous les cas sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis toujours présente, vous pourrez, si ma voix vous manque, me réécouter dans les podcasts, ils sont toujours disponibles sur internet. Dans tous les cas, René, j'ai été très contente de faire cette émission avec toi, émission ponctuelle qui a à nouveau changé mon quotidien, et très contente de l'avoir fait avec Mika. Ça change une émission, on peut confronter nos avis de lecteurs. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci aussi aux auditeurs qui sont toujours là, toujours présents. On se retrouvera bientôt, j'espère, ou au plus tard, on se retrouvera aux samedis musicaux qui sont le 2... C'est ce samedi, les samedis musicaux. Ah mais oui, c'est vrai déjà, le et samedi quand tu de mars. Vous parliez tout à l'heure de webcam ici dans nos studios, il n'y en a pas, mais il y aura un live Facebook samedi pour nos spectacles. Tout d'abord, ça sera, et là je pense que ça va te plaire René, et vous qui aimez les mots, ça sera d'ailleurs je crois le thème de ce samedi musical, hein, samedi prochain, le 2 mars à 18h dans les studios Radio Gamozo, 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-et-Remiremont. Il y aura un autre écrivain, Florent Kiefer, qui a fait paraître Le Point sur la Méduse. D'ailleurs, Lou l'avait reçu il y a quelques mois dans ces mêmes studios. Il fera une lecture musicale de quelques extraits de son roman. Mmh. Il sera accompagné du musicien qu'évoquait tout à l'heure Lou quand vous parliez du prix Goncourt Nicolas Mathieu. Notre musicien, j'ai envie de dire notre Stéphanois, il est de Saint-Étienne, Jean-Nicolas Mathieu. Les deux seront là. Et puis, il y aura Dichotomie, un jeune auteur, compositeur, interprète qui vous proposera une performance musicale, un petit concert, 8, 9, 10 titres. Il a un univers bien à lui. Là aussi, tout comme toi René, il a des choses à dire. Et il le dit à sa façon, il aime jouer avec les mots. Donc venez ici à Saint-Étienne-et-Remiremont, plus précisément Radio Gamozo, à notre studio. Et vous verrez, vous passerez un bon moment. Et ça sera certainement de belles découvertes. Eh bien, dans ce cas, Mika, merci d'avoir rappelé tout le programme. On se retrouve samedi à 18h. En attendant, bonne soirée à tous.